par ici les enfants. Là voilà, oui. C'est ici le micro, ça tout ça. Oui, oui, c'est bien. On a fait un petit convoi pour venir à la radio aujourd'hui. Oui. Tous ensemble, c'était un joli petit cortège, hein, ouais. Vraiment, là... On s'est tous donné la main, on avait un petit gilet jaune. Ah oui, oui, oui. Presque une parade. Oh, une parade. J'ai même envie de dire, une fanfare. Un, deux... L'équipe, allez, on y va. Et franchement, vous étiez beau. Le beau cortège de Jadoul. Et alors, on a une équipe complète ce soir, c'est la fin du mois de janvier... Bonne année. Franchement, oui, bonne année, on peut encore le dire. Quelle emmerde. C'est le dernier. Oh, c'est le Jean dernier Couillon, jour. Bonjour. Oh, c'est pas possible. Allez, tiens, t'es le premier à t'en prendre. Aïe. Ouais, c'est bon, ça c'est fait. Ça va, tout le monde va bien? Très très bien. C'est marrant parce que comme tout le monde est à l'heure, tout le monde est là, ça me fait bizarre. D'habitude, à cette heure-ci, donc c'est-à-dire à 2 minutes de l'émission, on a l'impression que Maëva va arriver en courant. Retard. C'est pas une impression. Après avoir garé sa voiture au milieu du rond-point. Ouais. D'ailleurs, ta voiture... Oui. Elle va peut-être se faire enlever, là, non? Non. Ah. C'est toi qui m'as dit que je pouvais me garer là. Sur le passage piéton? Oui. Ah. Ben, c'est peut-être pas une bonne idée. T'as le permis, Jadoul? J'aimerais bien que Antoine et Kix, vous êtes témoins. Il l'a dit. Si tu as une amende, je la paye. Oui, il l'a dit. On est témoins. On n'aura pas de pizza. Et si t'as une amende, je la paye. Si elle a été enlevée, je paye pas. Ouais. Bon. Oups. J'espère qu'en sortant du studio, ta voiture sera toujours là. Ouais, moi aussi. Ouais. Bon, on va parler de ta voiture justement en début d'émission. Et oui, du changement. On va en parler, on va en parler. Merci de nous avoir choisis. Cette émission a été faite le 31 janvier. Si vous nous écoutez, bah vous nous écoutez en podcast, hein, puisque là c'est l'exclusivité du podcast. Évidemment. Bonjour, on est content d'être dans vos oreilles. Allez, passez une bonne émission. Et puis d'ici là, dites-moi ce que vous en pensez et parlez-en autour de vous. Voilà. Sur mon Instagram, on se rejoint à Jajadoul. Kisses. Bonne écoute. Everybody starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti. On délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. 3, 2, 1. Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Wow. Bonsoir, bienvenue. L'émission est là comme chaque mercredi pour vous accompagner. Je m'appelle Jadoul, toute l'équipe est là autour de cette table. Oui. Ils sont très en forme. Oui. Ah oui, oui. En grande forme. J'ai cru que j'allais me ramasser un vent inestimé. Plein de séquences pour vous. Comme chaque semaine, on va repasser sur tout ce qui se passe à la télé. On va avoir aussi un nouveau jeu aujourd'hui spécial. Qu'est-ce qui est tombé? Non, rien, c'est juste le boîtier qui a bougé un peu sur la table. Attends, voilà. Je m'installe. C'est fini. Je voilà. Prends mon aise. C'est bon. Vous êtes des éléphants. Eh oui. Non. C'est dramatique. Mais c'est parce que les micros sont fort sensibles. Et... Non, je ne pense pas. Ok. Je vous propose qu'on fasse un peu le topo de ce qui arrive aussi. Il y aura le fallait nous dire plutôt, Maëva. Quelle est l'énigme de cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'un placomusi... Oh non, un placomusi... Je te jure que je l'ai répété 18 ça fois. Ça commence bien, c'est non, mais vas-y, essaie de... Je le dis, puis tu le répètes, ok? Un placomusophilie. Un placomusophile. Montre-moi ça. Du premier coup. Placomusophilie. Voilà, qu'est-ce que c'est? La placomusophilie. Ou un placomusophile. Voilà. Placomusophile. Là, c'est mieux dit. C'est mieux dit. Allez, on le fait comme si on était à l'antenne. Qu'est-ce que la placomusophilie et qu'est-ce qu'un placomusophile? Ça a du bon, cette répète. Franchement, il y a quelque chose. On tient quelque chose. Il y a quelque chose. En fait, dès qu'on allume les micros, on passe à quelle heure sur antenne? Nouvelle. Il y a Dominique Vegas. Ah, le retour. Le retour de Troroscopiste. Vous allez adorer. Avant ça, on a une triste, triste, triste nouvelle. Comment ça? En ce mercredi 31 janvier, la mauvaise nouvelle est tombée. Oh non! Pas toi! La station de lavage de voitures Starwash s'est faite attaquer en justice, non pas pour mal avoir lavé les voitures, mais pour avoir un logo qui ressemblait trop à celui de Star Wars. Disney les a attaqués en justice. Non. Mais comment vous voulez attaquer cet endroit? C'est un homme déguisé en Chewbacca qui fait briller la carrosserie. C'est Dark Vador qui passe le Karcher. R2-D2 est la poubelle. Ah là là. Repose en paix, Star Wash. Trop tôt disparu. Voilà. Allez, petit ange. C'était oui, une petite interlude. Voilà. Mais c'est, très sympathique. De quoi? Oui, c'est triste, ça va. Mais oui. Non, c'est pas enfin, grave. C'est une actu, voilà. Mais tu trouves où ces infos là? Ils ont vraiment fermé alors? Oui, c'est fini. Oh. Star Wars, c'est à cause de Disney, c'est fini. Quelle tristesse. Mais ils avaient cap à tout pomper. De toute façon, on n'a pas de voiture, nous. Alors. Attendez. Pas fini. Un grand événement marque aussi notre mercredi 31 janvier. Ah! Non. Oh! Oh! Oh. Appelé la Poufiate. C'est pas drôle. La voiture de Maëva n'est plus. Non. Oh non. Elle n'ira pas en Afrique, ni même à la casse, puisque quelqu'un a bien voulu reprendre la voiture ah dans bon son état tel quel. Oui, ça me fait mal. La wow. Fiat Panda mauve de Maëva va être reconduite par un autre gars qui sera sur les routes belges avec ce cercueil roulant. Elle sera dans les fêtes oui, foraines en... cercueil roulant, mais avec un toit ouvrant. Oh, du toit hey, oh, oh. Qui fouille mais... Dans les fêtes foraines en tant qu'auto-tamponneuse. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un forain qui te l'a racheté. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. C'est le allez, monsieur, dis-le, Maëva, c'est dis-le. Celui qui s'occupe de mes pneus. Quand il a su que je la vendais, il m'a dit « Ah, oh, j'ai un client, il est grave intéressé. » J'ai pardon. Il va mettre des flammes dessus. Il m'a dit « Oui, c'est un vieux monsieur, si je me souviens bien. Et il serait vraiment intéressé par ta voiture. » Parce que j'avais porté pour mes pneus et le gars était passé et avait vu ma Poufiate. Ouais. Il avait dit « Ah, mais oui. » Et quand il a su que je la vendais, le monsieur qui change mes pneus, il m'a dit « Oh, tu voudrais bien me la vendre ?» Sauf que l'endroit où j'ai acheté ma voiture, c'était dans le deal de la rendre. La Poufiate, en fait, c'était dans et t'es sûr que le principe, c'était pas justement de tuer la personne âgée? C'était pas un projet. Peut-être que le monsieur qui change mes pneus avait envie de tuer. Ah oui, parce que là. Peut-être. Du coup, je maintenant, ne sais pas. Elle roule avec des jantes 22 pouces, un subwoofer et un écran 32 pouces à l'arrière dans le coffre. Et c'est ah ouais. Kevin qui roule avec. Mais en vrai, je... Mais... Kevin ce soir. Bon, c'est mardi, c'est mardi. La Poufiate de Maëva. Bientôt sur les routes. Encore et toujours. Olivier. Oh. Olivier. Olivier. Tu vas me niquer la batterie. Olivier. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Ah là là, sacrée Poufiate. Mais repose non, en paix, petite Poufiate. J'en ai pleuré, j'en ai pleuré. Vous savez pourquoi on doit du respect à la Poufiate? Non. Et pourquoi est-ce qu'on... N'y touche pas. Parce que c'est la maman de Maëva qui l'a choisi cette Poufiate à l'origine. Ah. Oui, et même si ça peut paraître étonnant, elle l'a choisi la couleur, elle l'a voulu. Elle a même dû attendre qu'on la commande, parce que c'était pas une couleur normale. Ah, disons que c'était c'est... voulu, c'était c'est vraiment... Ah oui, c'était vraiment une personne volonté. Personne d'autre n'en voulait, c'est vraiment elle qui a... Oui, l'exclu. Dis-toi qu'elle hésitait entre celle-là et Rose Barbie. Donc je me dis qu'au final, on n'est pas si mal. Maintenant, elle a encore une voiture ou elle a arrêté la mode? Elle a une voiture blanche, elle sait... Ah, c'est bien. Bravo Isabelle, bravo. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile ah, et va. Ils ne comprennent pas grand-chose. Wow. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Il faut qu'on revienne sur une émission qui revient enfin sur RTL. Elle m'avait manqué, vraiment. Laquelle? Vous vous souvenez d'Appel d'urgence? Ah oui, oh, c'est génial. On en avait parlé pas mal la saison dernière parce oui. que franchement, il y a toujours des perles, des pépites dans des cette perles. Émission sur RTL. Allez, on démarre avec un cas. Bonjour. En fait, à travers le mur de ma cuisine, moi, je sais pas, j'entends. Ah. Ah. Ah. Ah. Oui. D'accord, oui. Jusque-là, tout va bien. Il y a un accent, on essaie de comprendre. Mais que pourrait bien être ce cri? Ah! Mon compagnon pense que c'est quelqu'un derrière le mur qui est en train de souffrir. J'ai sonné la cloche de radar, aucune réponse. Et j'entends. Ah! Oh, ok, madame. Si on avait mis quelqu'un à l'étage, j'en sais rien, moi. Hein? Pas de réponse des voisins, des cris qui persistent, comme si quelqu'un souffrait. Donc c'est normal qu'elle appelle les urgences. Ah oui. Il faut faire absolument quelque chose. Je vous envoie l'ambulance, on est d'accord. Et alors vous êtes. On va envoyer l'ambulance, on va envoyer la police pour constater. On va envoyer l'ambulance. Mais... Constater quoi? Constater quoi? Que la personne ne va pas bien? Vous me dites qu'elle souffre. Mais constater pour moi, je ne sais pas. Il faut pas envoyer l'ambulance. Oui, mais on doit quand même. Mais c'est pas qu'une petite place à côté, j'en sais rien. Ça me fatigue, on comprend pas ce qu'elle veut cette dame. Mais pourquoi elle s'énerve comme ça? Elle se met à crier. Oui, mais... Elle appelle les urgences, mais elle veut pas qu'il fasse quelque chose, c'est quoi mais ça? Mais non, ne venez pas m'aider. On va pas s'en sortir. Vous parlez vraiment fort, moi j'ai plus d'oreilles, mais par contre j'ai l'impression que je parle dans le vide. Vous m'entendez quand même? Mais je parle pas dans le vide. Moi je parle dans le vide, c'est vous, je vous entends bien, mais je ne peux pas en placer une. Ce bruit là. C'est quoi ça? Ok. Ah oui, donc vraiment, elle la prend pour une teubée. C'est quoi ça? En fait, il faut décrire simplement et laisser les services de secours faire leur boulot. Bon, j'ai l'impression que dans le bureau, une fois que l'appel est terminé, ils ont leur hypothèse. C'est des gémissements de douleur? Ou de plaisir? Elle dit qu'elle entend. Ouais, c'est la voisine, peut-être qu'elle est simplement en train de se faire envoyer en l'air. C'est vrai. C'est vrai. Ça ressemble plus à ça que... Franchement, ça doit pas être si fun que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas le coup du siècle. Bah, si ça fait 40 ans qu'elle l'a pas fait, elle se souvient plus du crime. Mon José, ça me rappelle les années 60. C'est Jadoul. En podcast. Allez. Au secours. Je vous propose que l'on passe à un nouveau jeu. Vous n'êtes pas prêts pour celui-là. J'ai peur. Nous sommes le 31 janvier 2024. C'est l'anniversaire de Kinvé. Bon anniversaire. 41 ans. Oh, déjà. Et Justin Timberlake, 43 ans. Oh, bon anniversaire. On va jouer à un jeu Kinvé ou Justin Timberlake. J'adore ce principe. Voilà, alors deux artistes qu'on aime et on a mélangé les titres, on les a traduits, les titres et tout. Donc attention, c'est piège. Ok. Kix, cette fille. Timberlake. Bonne réponse. That girl, Justin Timberlake. Now we didn't have to fall. C'est tout chill, je trouve ça la classe aujourd'hui de Justin Timberlake. Non? Oui. Oui. Oui, c'est classe du Justin Timberlake. Oui, oui, oui. Bon, ok. Mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'à côté, il y a Kinvé. C'est classe aussi. Blessure du passé? Ah, mais ça, c'est Kinvé. Quand il te rend des visites le soir, c'est classe. Non. Jamais. C'est le retour du tabouret et de la corde ou. Bah, t'es fou, toi. Pourquoi? Non. Ah. C'est pas si triste que ça. Quand il te rend des visites le soir, je me sentais... Oui, bon, c'est peut-être... Bon, le mood un petit peu... Allez, on change. La vie devant nous, Antoine. Timberlake? Non, Kinvé. On s'en fout. Je tiens quand même à préciser qu'on m'a rappelé très récemment que mon univers musical c'était Licence 4, viens boire un petit coup à la maison. Oui, les musiques non, de c'était, beauf. C'était Puissance donc, 4, puissance c'est le jeu, c'est pas. 4. Donc, je m'excuse par avance de tout à tous les amateurs de Kinvé et Justin. Voilà, boire un petit coup à la maison. Ça, c'est mon univers musical. Antoine et toutes ses chansons qu'il aime bien. Ouais. Et Antoine, il a des goûts de vieux ronchon. Ouais. Des goûts très caillés sur bien. Hey. Allez. Est-ce qu'on peut revenir à notre jeu sans exploser toujours la conduite? Oui, merci. Okay. C'est gentil. Kix? Oui. Toujours dans mon cerveau. Toujours dans mon cerveau? Ouais. Allez, je reste sur Justin. Bonne réponse. Still on my brain. Maëva? Oui. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Ouais. Everybody lies. Non, c'est Kinvé qui doit être... Bonne réponse. Tout le monde ment. Le problème, c'est que tout le monde ment. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le problème, c'est que tout le monde ment. Go. Tout le monde ment. Comment faire confiance? Il fait des musiques comme ça, Kinvé? Je savais même pas. Ah si, t'inquiète pas. D'accord. Le cœur à la fête, Antoine. Kinvé. Ne prends pas la tête, je m'en fous de ce que tu penses. J'ai le cœur à la fête, quelles que soient les circonstances. Bon, celle-là, elle était pas encore trop mal. Ça va encore. Ouais. Kix. La vie est cool. Allez, j'ai dit deux fois Justin, je vais dire Kinvé. Bonne réponse. La vie est tellement cool en Polynésie. Mais... Tu sais, ce qui m'étonne le plus dans cette séquence, quoi, c'est que Kinvé fait autant de chansons. Non, mais Kinvé, c'est une machine à hit, tu te rends pas compte. Toujours nominé, mais jamais rien. Oui, c'est ça, c'est vrai, il a jamais reçu de prix, mais il est toujours nominé quelque part. Maëva, spécialement pour toi. Oui. Beat dans la boîte. Dick on the box. En anglais, ça donnerait ça, ouais. Aussi. Non, mais. Non, je sais pas, c'est dur. Justin Timberlake. Ah, tu as dit qu'il avait la classe il y a deux secondes. Bon, beat dans la boîte, ce serait Justin Timberlake. Ouais. Bonne réponse. Non. It's my dick in a box. Pourquoi il a mis son zizi dans une boîte? Je sais pas, moi. Mais Justin. Oh, j'adore la chanson. Imagine, tu vas près de ta meuf. Hé, hey, chérie. On est plus sur du Justin Bridoux là pour c'est le coup. Ouais, ouais, là, c'est marrant parce qu'il y a quand même les cœurs. ils sont pas sûrs. C'est énorme. Enfin, ça, on sait pas. Allez, juste pour la promotion de l'artiste égoïste, Kinvé. Eh bien non, c'est le tout dernier de Justin Timberlake. Allez. Qui s'appelle Selfish. So if I get jealous, I can't help it. Extrait son prochain album qui arrive tout bientôt, partout. On sera impatient de le découvrir, comme ça vous savez. Voilà, c'était un petit peu la discographie de Kinvé et Justin Timberlake, une séquence improbable. Et alors, petite info, il sera vendu dans une box. Allez. Merci. C'est quoi? Hop là. Un petit coup de pelle, ça fera pas oui, de mal, non? Pas de mal, non. Allez, c'est bon, hop. C'est cadeau, c'est même par la production. Donc la pelle. Voilà. Merci. Il est du temps à la trouver, sa pelle. Bah oui, on l'a pas. T'as été à la cave ou. Bah oui. Aïe. Ah, vous savez quoi? Quoi? On mérite quand même de rentrer un peu d'argent dans cette radio. Ah oui. Ah. Il serait peut-être temps. Et pour ça, on fait appel à de la. Publicité. Bonne réponse. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Vous appréciez les spécialités italiennes aux arômes subtils qui mettent en éveil vos papilles. À votre intention, s'est installée à Carnion une épicerie italienne sous l'enseigne Fujitsu, où vous trouverez charcuterie, pompe à bière, frigo, table, chaise, bar LED, verre, couvert, vaisselle, verrine, friteuse, fromage, protection solaire, alimentation italienne et vin sélectionné. Fujitsu, c'est aussi douche à l'italienne. Et un service traiteur avec une variété de plats emportés dans le but de vous faire découvrir la saveur authentique de la vraie cuisine italienne préparée par des tapecs dans la pure tradition de là-bas, avec de la pâte fraîche et des ingrédients d'origine, afin de vous proposer des produits homemade, utilisation de produits naturels, pierres, bois, tels que acacia et châtaignier. Venez goûter la différence. Fujitsu, fermé 7 jours sur 7. Pour les joindre, un seul numéro d'appel, numéro 112, visible sur Facebook. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. C'est avec Jadoul. En podcast. Alors, on se pose une question depuis tout à l'heure. Oui. Pourquoi est-ce que. Le placo tient au mur. Non. Qu'est-ce que la placo musophilie? Bah, comme dit Kix, c'est des gens qui aiment beaucoup le placo. Non. Pas du tout. Oh, le placo. Le placo. Ok, d'accord. Ouais. C'est pas ça. Est-ce que ça a à voir avec un animal? Le museau, oui. Du tout. Musophilie. C'est pas museau, parce que museau c'est EAU, hein. Le museau du. Ah, ça s'écrit pas pareil. S-O là. C'est avec un O. Musso. Ah, musso. Non, bah ça se dit museau. Quand mais... on met son Musso. Doigt dans. Non, rien. Museau. Dans un museau. Ah, un naseau. Non. Je vais vous donner un indice parce que là. C'est quelque chose qu'on collectionne. Un placo musophile collectionne quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Des nez pleins de schnouf. Des craies, des, genre des trucs de craies, non, rien à voir. Un instrument de musique. Non. Ah, on avait une prof avec Kix qui suçait ses craies. Ouais. Elle était pas comme, enfin, elle était peut-être pas comme musophile. Non, mais en fait, pas... elle perdait la voix et à chaque fois. Oui, donc ça veut dire que je vous explique. Elle écrivait au tableau, elle suçait la craie. Et puis elle écrivait, donc la craie était mouillée, donc ça restait évidemment bien imprimé dans le tableau. Et puis, à force de sucer la craie, elle avait la voix qui partait. Donc, alors, le théorème de Pythagore. Oh, ça me dit. Ah, vite, une craie. Voilà. Ah, pourquoi tu racontes ça comme ça? C'est vrai, ça n'a pas d'intérêt. Non, aucun intérêt. Du coup, la placomusophilie. La placo quoi? La placomusophilie. Mais c'est ça. Vous ne trouverez jamais. Antoine, tu le sais, la vie de Muse. Allez, Antoine. Allez. Non, non, mais j'avais demandé quel type de choses ça. C'est toi le dictionnaire. Alors, ici. Si je te dis ce qu'il collectionne, je te donne la réponse. Les déchets. Non. Attends, redis un peu, redis le début. Placo, muso, pili. Placo plastique. Ok, on a saoulé tout le monde. On Allez, c'est parti. Ah non, c'est pas le bon. Exactement. Donc la placo musophilie, pardon, c'est le fait de collectionner les plaques de muselet. Alors qu'est-ce que ça c'est quoi? Alors les plaques de muselet. Les muselières. Bien sûr. Bien sûr, les plaques de muselet. Les muselières pour les chiens. C'est les gens qu'on découpe mulets. C'est ça. Non, c'est les bouchons de boissons effervescentes comme le champagne, le crémant. Non, pas justement, pas le bouchon de liège. Truc en métal. C'est que tu as ce qui s'appelle le muselet, donc c'est le truc, tu sais, de fil parigi. Le truc qu'on a lu qui t'arrache les doigts. Et au-dessus, oui, mais tout au-dessus, oui, c'est ça, t'as une petite. On appelle ça souvent la capsule. Oui. Et c'est là que tu as la marque, souvent la maison du champagne. C'est aussi sur les bouteilles de bière, tu sais, les grandes bouteilles où il y a encore un bouchon en liège, tu as la marque de la bière. Et donc il y a des gens qui collectionnent ça. Wow. Et ce sont des placomusophiles. Et donc si tu veux être intéressant la prochaine fois quand tu reçois des gens, tu ouvres une bouteille de champagne, tu dis je peux le jeter ou j'ai un placomusophile Barbie. Enfin, par minute. Wow. Non. J'adorais ce wow. Non mais franchement ça peut. Ah ouais. Peut-être. Je sais pas. Placomusophile, c'est les capsules qu'il y a au-dessus des bouteilles de champagne. Ça s'appelle les plaques de muselet. Les plaques de muselet. Il y a des gens qui collectionnent ça. Non, tu te rends compte que tu passes pour un mec à gifler dans les soirées quand tu dis ta plaque de muselet, t'as pas peur qu'elle s'en aille avec la pression, parce que moi là je viens de dégoupiller le bouchon de liège, si la plaque de muselet s'en va, c'est mauvais signe. Attendez, Brigitte, est-ce que quelqu'un garde les plaques de muselet parmi nos invités? Imaginez le truc. Oui, eh ben franchement, j'adore l'info. Je vais tout oublier dans 2 heures, mais c'est très bien. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maëva. Avec plaisir. Et continue comme ça. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Merci quand même. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir des nouvelles de. De placomusophilie. Exactement. Ah, vous le retenez, ça y est. Les gens ne veulent plus l'entendre, je pense. Non, c'est fini. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Eh bien voilà. Merci Simone. On le rappelle, l'horoscope influence positivement notre vie. C'est pour ça que nous accueillons encore ce soir l'équipe, notre grand astrologiste. Je sais même pas si on dit ça comme ça. Non. Voyant. Voyant. Ouais, bon. Non, voyant. Voyant. Oui, voilà. Escroc. Je sais pas comment on dit. Il représente les astres. Il sait ce qui nous réserve pour l'avenir. Bonsoir, Dominique Vegas. Bonsoir. Ah. Je suis la star des astres et le désastre des voyants. Ah, vous m'avez manqué. Bélier. Il est inutile de faire étalage de vos idées tant qu'elles restent à l'état de projet. Autrement dit, je vous conseille de la boucler. Oui, oui, oui, c'est mieux pour vous et pour les autres. Taureau. Prenez le taureau par l'air. Corne et prévoyez un petit week-end en amoureux. Voilà ce dont vous avez besoin. Si vous êtes célibataire, courage. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Gémeaux. Mettez des pense-bêtes dans toute la maison où vous pourrez bien oublier une date importante. En effet, ça c'est moi, ça m'a niqué toute la tapisserie. Ah oui, non, mais la colle. Ah non, c'est de la merde, c'est de la merde. Cancer, Dominique. Attention, vous avez un peu trop tendance à vous laisser porter par les événements. Bande de petits vénards, va. Les lions. Faites vos comptes. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises. Ouh, ah, surprise. Mes mauvaises surprises, c'est moi. Éviter l'humour, peut-être. Oui, pardon, excusez-moi. Merci, c'est très gentil. On passe peut-être aux vierges. Prenez un petit quart d'heure dans le courant de la journée pour souffler, souffler, sans oublier d'inspirer. Oh oui, ça va, ça va, ça va, merci. Balance-moi, balance tout. Les balances. Ah oui, je vais te balancer. Non. Pardon, excusez-moi. Il y a d'autres manières de gérer le stress que de céder à la gourmandise. Peux-tu bien laisser ces cochonneries, Mélisandre ? Oh, t'as vraiment un problème avec la nourriture, hein ? Ah oui, bah merci. Laissez tranquille Mélisandre, s'il vous plaît. Les scorpions. Élargissez votre horizon. Ne vous focalisez pas sur les petits problèmes du quotidien. Sinon, c'est eux que vous élargirez. Oui, d'accord. Allez. On fait l'horoscope des Sagittaires maintenant, Dominique. Oui. Vous ne pouvez pas espérer que tout s'arrange par miracle. Vous n'êtes pas Joséphine Lance-Gardien. Merci, Zadoul, pour ces bruitages. Vous devez passer à l'action. Capri. Corne. C'est fini. Oh, j'adore cette musique. Oui, c'est ma musique, pas. C'est ma musique préférée, mon Zadoul. Oui. Le savais-tu? Mais oui, merci, mais je m'en fous. Faites un effort pour équilibrer votre alimentation. Capricorne. Prenez-vous pour une balance. Oh là là, vous nous embrouillez, Dominique, c'est compliqué parce que... Oui. Attendez, je termine. Oh, mais c'est dégueulasse. Ah, la verso, dernière Dominique, gouttelette. C'était verso. Pensez à utiliser les huiles essentielles. Elles peuvent être bénéfiques. Voilà, d'ailleurs, je vais m'en mettre en dessous de mon nombril. Oh, vous en fumez partout. Ah bah voilà, c'est tout poisseux. Ah, quelle horreur. Oui, ça va, merci Dominique, c'est bon. Bah justement, il est temps de mettre du chlore dans... il est temps de chlore avec les poissons. Heureusement, il y a Findus. Findus. Oui, ça va, arrêtez. Insomnie possible. Prenez une tisane avant de couffer. Avant de vous couffer. Oui, merci, merci. Pour vous faire infuser. Pardon ? Le thé, bien sûr, ah, infuser oui. Le thé. D'accord, merci, c'est gentil. Eh bien, merci Dominique Vegas, à bientôt peut-être. Oui, coucou la lune, coucou soleil, bonsoir Zadoul. Bonsoir, merci Dominique, je suis tout troublé. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ce n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Interview. Dominique. On retourne ce qui devient une interview combinée. Le moins drôle d'entre nous se prend un coup de... Combiné. Dans la réponse. Dans les dents. Dans les dents. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Les plus jeunes ne connaissent pas le combiné. Le combiné, c'est l'objet, vous savez, celui qu'on met à l'oreille entre la... Allô. Entre la bouche et l'oreille. Vous savez... Bah quand on imite le téléphone avec la main, bah voilà. Mais oui, tu sais que c'était... J'avais vu une vidéo TikTok comme ça, où tu demandes à un enfant, un petit enfant, de t'imiter le téléphone. Et donc il y en a qui font comme nous, donc qui tirent le petit doigt et ouais, le pouce comme pousse. Nous. Et ben t'as des enfants qui mettent leurs mains plates sur leur téléphone. Ouais. Oh, parce qu'ils n'ont jamais vu de téléphone. Et pour eux, oui, pour eux, c'est plat comme un smartphone. Et en alors, fait. Encore avant, ils faisaient le clapet. Tu vois, ils faisaient les deux mains. Et ah puis... oui, ça, c'est notre génération. C'est, on n'a jamais fait ça, nous. Mais du coup, j'ai essayé sur mon petit frère de 8 ans, Pierrot, et il a bien fait le pouce. Oui. Il n'a pas fait sa main plate. Je lui ai dit, ça va. Mais ça va, il fait partie des deux. Attendez, on a un nouvel invité qui vient d'arriver. Bonjour. Hello à tous. Ah oui, c'est gentil. Rappelle-nous qui es-tu. C'est moi. Oui, ça m'aide pas. Merci. Donne-nous ton prénom peut-être. C'est Samuel Etienne. Ah, Samuel Etienne. Ben oui, Etienne. On le connaît. Etienne. Etienne. Etienne. Etienne. Oh, très bien. On embrasse Affina Turner. Non, c'est l'animateur de Questions pour un champion. Ah oui, oh, oui. Voilà, ah, c'est ça. Les soirées de France, les après-mêmes de France. Oui. Mamie, elle le connaît bien, Mamie Paula. Ah, Mamie Paula. Est personnellement, personnellement. Bon, on est là pour quoi, Samuel Etienne? Vous allez voir comment économiser de l'électricité chez soi. C'était pas ça de base. Non, non, ce jeu, pas le une principe. Interview combinée, c'est bien ça aussi. Hein. Allez, on commence avec la première, Antoine. Prendre conscience du nombre de services auxquels on s'est abonné afin de pouvoir faire un bon tri des familles. C'est efficace. Ah, c'est vrai qu'on est tellement abonné à des plateformes, des trucs et tout. On a dit qu'on essayait d'être drôle. Bon, franchement, tu fais la maline? Vas-y. T'as vu ça? J'adoule le déo quand on t'a pas le temps de te laver. C'est efficace. En plus, t'es dégueulasse. Ah, elle pique. Non, c'était toi. Non, mais c'est pas juste. Trop tard. C'est pas juste. Mettre Peppa Pig à la TV pour calmer les enfants. C'est efficace. Bouf. Ah oui, ah si, si, si, je suis témoin. Tu préfères Miraculous? Pour ça, ça me calme plus. Ça dit les enfants, Maëva. Deuxième question, Antoine. La période durant laquelle tu scrutes le plus ton compte en banque? À la fin du mois. Oh non! Elle est pas loin de Maëva? Va-t'en! C'est moi qui commence. Il y a eu du copion. Surtout les 31 derniers jours. Oui, comme disait Coluche. Ben, c'est la même chose. Même quand je viens de recevoir ma paye, quand je regarde mon compte en banque, c'est comme si c'était... À la fin du mois. Voilà, voilà. Kix, j'évite de me peser... À la fin du mois. Allez. Mais... Voilà, merci. Est-ce que t'avais mieux, toi, peut-être, non? Oui, j'avais mieux. Vas-y, vas-y. M'oblige pas à aller chercher ce que j'ai préparé dans mon sac. Hein. Vas-y. Je l'ai fait il y a 2 heures, c'est bon. Allez. Antoine, dernière question. Quand tu veux taguer un VLAN sur un port Ethernet de ton routeur, mais que tu oublies de taguer aussi le VLAN sur l'appareil et que tu souhaites isoler du reste du réseau. Un grand classique. Ouais, un grand classique. Quoi. C'est quoi ? Non, mais et là, il se prend pas un coup de combiné. C'est quoi un VLAN ? Et VLAN, c'est Hélène quand tu sautes. VLAN, ça va ? VLAN, les garçons. Mais non, mais allez. Et moi, je me prends un coup de combiné parce qu'elle est trop longue, la mienne. Ta gueule. J'en ai marre. Maëva. Les McDo, les lendemains de soirée. À la fin du mois. Allez. Non, c'est pas ça, là, tu fais pas ça. Je sais. Oh. Tu recommences. Ouais, vas-y. Les McDo, les lendemains de soirée. C'est efficace. Exact. Non, c'était pas ça. Non. Je te pourris aujourd'hui, Maëva. Les McDo, un lendemain de soirée. Un grand classique. Ouais, ça va, t'es contente. Ouais, c'est bien. Énorme. Le lac du Connemara dans les fêtes. Un grand classique. Ah, oh, ouais, ouais. Rappelez-moi de Catrix, on tient l'Olympia. Cette séquence va sauter. Alors qu'en vrai, on a été drôle, c'est juste que t'es pas gentil. Et il est irrité. Vous savez quoi? Oui. Vous m'avez fait marrer. La chanson d'elle-même n'a rien de gênant. Ce qui est gênant, c'est de voir Jaloul. Oui. Il fait le 1-1. Oui, les auditeurs n'ont pas cette magnifique vue. Franchement, oui. Désolée pour les auditeurs de rater ce visuel, Jaloul. Vous commencez à me. Hein. Maëva. Allez, dans un instant, on va avoir l'occasion de retrouver justement ta chronique. Maëva, tu fais bien de l'ouvrir. Ah oui, bien sûr. Ok, boomer. Yes, je vais parler d'un gros clash. Non, pas du tout. Oh. Enfin, un petit peu quand même. Elle a lâché ça comme ça. Elle a drop ça. Hop. Non, Universal vs TikTok, c'est la guerre. C'est la guerre. D'accord, et ben c'est très bien, on découvre ça dans un instant. L'actu connecté. Et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. Séquence. Ok boomer, vous n'allez plus être du tout ringard. Si vous pensez être complètement à côté de la plaque, Maëva est là pour vous remettre dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Quid? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Maëva, on veut tout savoir. Eh bien, Universal est colère. Universal, la plus grosse maison de... Bon, c'est peut-être pas la plus grosse, mais une grosse maison de disques. Ouais. Et contre qui? Contre TikTok, donc le réseau social du moment. Une des applications quand même les plus téléchargées. Qui a plutôt la réputation d'être pour les jeunes, mais je trouve que de ces temps-ci, c'est de plus en plus utilisé. Enfin, ils ont élargi la cible. Vraie preuve, mes deux parents l'ont téléchargé. Quoi? Oui, tous les deux. Tous les deux. Ils sont tous les deux TikTok, donc je pense qu'on Isabelle peut... est sur On a vachement TikTok. Élargi la cible. Non. Mais bien sûr que si. Comment elle s'appelle? Elle scrolle. Ouais, partage le compte. Elle scrolle. Ah ben non, elle scrolle. Elle publie pas. Ah, elle scrolle juste. Okay. Et elle fait des concours aussi. Mais est-ce qu'elle a du contenu? Non, elle. Non, je pense pas. Elle fait passive. Pas. Oui, elle est passive. Elle fait pas coucou les loups. Envoyez des coffres, envoyez des coffres, s'il vous plaît. Ma mère, c'est pas Brittany. Hein. Ah, pardon, oui, ok. Et donc du coup il y a un petit clash entre deux parce qu'en gros Universal accuse TikTok dans une lettre ouverte d'essayer de construire une entreprise basée sur la musique mais sans payer la juste valeur de la musique. En gros il y a Universal qui chouine que TikTok lui donne pas assez d'argent. Parce que comment ça marche TikTok? C'est qu'on met des petites musiques de fond sur les vidéos etc. Ouais. Et on peut utiliser ça et Universal ne touche pas les pépettes et n'est pas content. Et vu que c'est une application qui est de plus en plus utilisée, ça ne plaît pas à Universal. Alors ils avaient un accord jusqu'à présent qui se terminait aujourd'hui et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord en gros pour refaire un compromis et donc du coup la réaction d'Universal ça a été de supprimer toutes les vidéos enfin toute leur musique de TikTok. Oh là là, donc, par exemple des artistes comme Taylor Swift on ne peut plus les trouver sur TikTok. Yes. Oh non. Pareil. Allez, bye bye Tyler. Salut, c'est le karma. Ça. Allez, un petit coup de Swift. Un quoi? Un petit coup de Swift. Oh. Wow. En même temps, Taylor Swift, c'est une machine à hit. Hein. Eh ben, par exemple, celle-là, c'était un vrai, c'est une vraie trend. Ah ouais? Oui, il y avait vraiment un truc. Par exemple, tu mettais, tu te mets en vidéo et tu marquais me faire avoir mon ex me recontacte et moi directement je craque et tu disais it's me. Et tu faisais l'idiote, quoi, tu vois. C'était vraiment une traîne qui était. Et on se rend pas compte, je pense que ça. Allez, Kix, on tourne. Antoine, tu filmes. C'est parti. Attention, action. Fais l'idiote, Antoine. Kix, fais l'idiote. It's me. It's me. Ça tu devrais vraiment t'inscrire sur TikTok. C'est vraiment un truc. Tu vois? Ah oui. Et donc voilà, c'est tout neuf cette explication, enfin ce fait, et je pense qu'on va vraiment le ressentir. Enfin pour ceux. Ah c'est sûr que s'il y a plus les Swifties sur TikTok, ça va faire mal. Hein. Après, je suppose que voilà, c'est juste l'ultimatum. Il y a que Taylor Swift chez Universal. Non, il y a plein de gens. Il y a genre The Weeknd aussi. Ben. Mais ce qui risque aussi de se passer, c'est que tous ces artistes qui ont disparu, si ça se trouve, on va continuer à avoir les titres, mais genre des covers. Oui, c'est ça. Comme on a sur des Spotify. Trucs pirates. Parce qu'en fait, il y avait deux moyens d'utiliser des sons. En fait, il y a une bibliothèque disponible sur TikTok où tu choisis ton son, mais tu peux aussi reprendre le son de quelqu'un d'autre. Et toi, tu peux toi-même importer des sons de manière entre guillemets pirate. Et donc le son peut survivre. Tipiak, pirate. Après, je comprends le point de vue d'Universal, mais faut se dire que TikTok a lancé énormément de gens avec la musique. Je sais pas, par exemple, reprenons Dreams des Fleetwood Mac avec le gars qui faisait du skateboard avec son truc de. Enfin voilà, la musique est revenue au goût du jour. Celle de Kate Bush, là, celle qui était passée dans Stranger Things. Ouais. Enfin, toutes des vieilles musiques qui sont repassées. Enfin, je trouve que TikTok a quand même un gros. Ouais. On peut l'écouter jusqu'à la fin. Non. Oh. Oh. Mais j'ai pas eu le début, ça m'a frustré. Ah, c'est bon, je suis content. Et ça, plus de nouveaux artistes qui se sont. Enfin, comment. Je n'ai pas le nom, bref. Mais donc, ça a lancé pas mal d'artistes. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Je comprends Universal. Ouais, mais je trouve que TikTok a quand même un pouvoir intéressant pour les artistes. Donc, à voir ce que ça va donner. Après, ça tombe, c'est juste un ultimatum d'Universal. Oui, et ils vont trouver un. Enfin, TikTok va donner un peu de sous. Un compromis. TikTok va lâcher un peu de monnaie et ça va se reprendre. That's life. Yes. Un peu on de pépette. Ouais, affaire à suivre. Donc, ça veut dire que. Imagine, je sais pas, j'espère qu'il n'est pas chez Universal lui quand même. Qui ? Oh non, ça me ferait mal. Imagine si François Junot était chez Universal. L'an 1999, pour des battants, quoi de beau, quoi de neuf. Non, bah tous ces beaux TikTok qui seraient gâchés. Bah oui. Ou alors Rocky Sand. RTL, c'est vous. C'est ta maîtresse préférée. Imagine, j'ai plus tout ça sur TikTok. Et la madame dont t'es fan, là, comment. Régine. Non. Tu es une enfant handicapée. Elle ? Non. Régine. Régine. Ah. N'y touche pas. Ni demain, ni jamais. Elle, c'est sûr, elle est sur Universal. Ah non, on n'y touche pas. Non. Allez, bat-toi, bat-toi avec obstination. Allez, merci Maïva pour nous avoir flingué le moral. Non, on est triste. Mais c'est pour pas que vous vous sentiez biette. Allez, merci. C'est Jadoul. En podcast. Et oui, c'est Jadoul. Pardon. Mais... voilà. Tu sais, tu devrais être comme un enfant à qui on confisque la boîte. Ouais. Oh, ça va. Tu sais quoi ? Moi, je laisse les commandes à Kix. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en trois manches. Wouhou ! Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus. Ou alors, être tout à fait explicite. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin. À table festin. À table festin. Jadoul, on a perdu Jadoul. Moi, je voudrais tester mon buzzer. Jadoul, il est d'ambiance, là. Laissez-moi tester le buzzer. Oui. Ah, voilà. Antoine. Et Jadoul ? Parfait, tout le monde est OK. On peut commencer tout de suite avec la première personnalité et le premier indice. Pourquoi on a l'arrière d'une soirée ? J'ai une question. Et l'ambiance chez les voisins. Tu pouvais pas prendre un son HD plutôt que de juste filmer un concert ? Bon, c'est sympa. Alors, c'est des vraies images, hein. Si jamais c'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui a filmé, c'est, je veux dire, c'est des vraies images de télévision. Bon, bah, personne ne l'a. Pas hein. D'idée. Bah tout on est en radio, mais bon, ça pas l'air malin, hein. Alors, deuxième indice. And my mother was the person that preached to me and almost harassed me every day. Une idée? Pas d'idée, toujours pas. Ça me dit quelque chose, mais. Bon, je vous aide un tout petit peu vite fait, mais vraiment vite fait. C'est une chanteuse. J'en dirai pas plus. Oh, j'en non, dirai pas plus. Oh non. Troisième indice. Ah alors Jadoul. C'est pas juste. Ben, je dirais. Put the ring on it. Je dirais Beyoncé. Tu dirais Beyoncé? Beyoncé. Et c'est la. Bonne réponse. Merci. Et Jadoul se met à danser, super. Fait la chorégraphie. Et là, les mains en avant, là, c'est le. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais retirer mon sonif. Bon, ça fait déjà un point pour Jadoul. Tu es une single lady, c'est Jadoul. Single lady. Ouais, et alors. Et moi, je suis révolté, ok, okay. Bon, j'ai on continue écarté, là. Hop là. Range-nous ça, Jadoul. Oh, puis surtout les odeurs. C'est vrai, excuse-moi, j'ai pas pensé qu'en écartant les gens. Oh, oh ça va. Non. Allez, c'est bon. Oh, et bon appétit, s'il vous plaît. La allez, on y va. Allez, on continue avec la deuxième personnalité qu'il faut trouver. Premier indice. Hello, t'as la petite chouchou de Vianney, je m'en fous aussi. Hein. Qui peut être la petite chouchou de Vianney ? T'as défoncé l'écran, quoi. Encore une l'écran. Fois. J'ai donné un coup de poing. Jusqu'à avant le buzzer, on a vraiment entendu le... On va remettre le jingle sur l'écran cassé. Oh. Ouais. Je me suis explosé le doigt. Va-t-il déjà plier le jeu dès maintenant ? Mentissa. Ah, c'est une bonne réponse, c'est bien Mentissa. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids. Qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids. Qui m'empêchait d'être belle. Énorme. Qui m'empêchait d'être moi. Merci Kix. Avec plaisir. Eh bien voilà. Bon bah ça fait deux points pour Jadoul là. En théorie, ça valait la peine de me péter le doigt. Hein. Et l'écran, bon. Et j'ai pas fissuré l'écran parce que c'est une dalle de verre quand même. Pas. Il est en verre, hein. Ça c'est un vrai écran vert. C'est pas un écran en plastique de la Chine ça. Eh ben. Allez, on a les moyens pour les écrans, alors que les salaires. Hein. Bon, on sait que le jeu est plié, c'est Jadoul qui gagne, ouais, mais je sais. On passe quand même à la dernière manche. Ouais, donc tout reste possible. Gueule, hein. Antoine, Maëva, c'est le moment là. Je compte sur vous. On y va. Premier indice de la dernière personnalité à trouver. C'est parti. Au printemps 2022, la famille de l'acteur mettait fin à sa carrière à cause d'une aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Allez-y. Je crois savoir. Tu crois savoir. Est-ce que tu veux attendre le deuxième indice ou tu buzzes? Oui, je pense mais savoir. Je mets mon doigt contre le buzzer. Attention, ça fait mal. Oui, je sais pas comme j'ai dit, mais... Non, je poursuis. Ouais, non, moi je buzz. Tu buzzes? Bruce Willis. Bah, c'est une bonne réponse. Wow. Bruce Willis, pardon. Bah vas-y, les autres indices, parce que j'ai pas les autres indices, on continue. Indice numéro 2. C'est Bruce Willis qui chante. Ah ouais? Ah oui. Ok, troisième indice. Troisième indice. Die Hard 3. Die Hard. Ce dimanche, 20h. Bah, d'ailleurs, t'as jamais vu d'ailleurs ? Oui, si, si. Et c'était une pub québécoise, hein, comme ça, on l'a vu. Et bien voilà. Donc c'était Die Hard sur TVA. Et puis en petit bonus, j'avais mis. Pour ceux qui connaissent, c'est Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Willis, t'aurais dû démarrer par ça. Tu pouvais pas mettre juste Bruce Willis qui parle ? Bah c'est trop facile, tu veux qu'on te donne le point aussi toi. Bah d'ailleurs t'as le point tiens. Voilà. Bon. C'est vrai. Bah c'est une victoire de Jadoul. Ah c'est vrai. Oh oui. What a mettre le feu, on n'a pas compté les points jusqu'ici, ça va? Ouais, ça va très très mais bien. Mais les piquants, lui. Oui, ben on l'a oublié, excusez-nous. Oui, mais donc, mais il vient de surgir. De... Il vient de se réveiller. Mais monsieur, vous êtes là depuis quand? J'étais allongé juste là, et puis... Ah, vous étiez sous la table? Oui, ah, hein, j'étais allongé là par terre. Il était dans le studio avant qu'on rentre? Oui, c'était ça. Putain, quoi? Donc ça veut dire que ça fait 3 semaines que vous vivez ici? Bah oui. D'ailleurs, tu pues des pieds. Ah bah oui, en même temps, je dois le dire. C'est pas malin de se mettre là. Bon, mettre le feu, s'il vous plaît. On veut les points. Donc j'ai eu... personne n'a eu le point pour le fallait nous lire plus tôt. Non. Parce que personne l'a trouvé. Là, ici, j'ai 2 points. Et Maëva en a 1. Vous le notez, ça, pour l'équivalent en fin d'émission? Oui, je dois tout noter. Alors ici, si je comptabilise... Vous avez un tableau blanc, là? Oui, ben pour l'instant, j'ai tout mis sur des feuilles. Hein, ah, ça ouais, va, c'est des feuilles volantes. Hein. Ouais. Bon, Maëva ici... Votre emploi. Merci. Maëva ici, depuis le début du jeu, elle a 4 points. D'accord. Jadoul, il a 2 points. Kix, il a 3 points. Et Antoine, il a 1 point. Eh ben merci beaucoup. Ah oui, il y avait le combiné avec. C'est ça, j'ai tout oublié. Compté. Eh ben c'est super. À tout à l'heure, Maître le Feu. À tout à l'heure. Et vous nous mettez l'ambiance, Maître le Feu. Oui. Ah ben c'est cool. On va pouvoir compter sur vous toute la soirée. Merci de nous avoir choisis. Tous les mercredis, c'est la trappe. Jadoul et toute son équipe partout en podcast. Waouh, bienvenue dans un instant. Ah, j'ai les mains moites. Oh, tu deviendrais comme moi. Dégouinant et poisseux. Oui. Non. Ah, non, ça ne risque pas. Oh, et tu sais quoi, j'ai un goût de trop peu là. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Jadoul? Je peux avoir encore une petite dose? Tu n'en as jamais assez? Oh non, je suis gourmand. Je vois ça. Rajoute-en. Que veux-tu? Je sais pas, remets-en. Oh, j'en rajoute, ça va déborder. Oh. Bah dis donc, il y a du monde au balcon. Ça, c'est toi qui le dis. Mais ça va s'effondrer. Oh, sur moi, j'espère. Si tu te places bien, oui. Bon, ça me dégoûte. Allez, c'est bon. Oh là là, oh. Ces gens sont fous. Oh bah. Oui. C'est plus possible. Je me dis, bah, écoute, je me dis, je pourrais peut-être faire une carrière dans Téléphone Rose. Oui, mais oui, mais oui. Mais non, mais non, mais non. Non. Est-ce que vous connaissez Émile Herzog? Absolument pas. Absolument pas. Il est membre de... On ne parle plus de ce sujet sexuel. C'est un membre. C'est un membre. Un gros membre. Mais... Pardon, Maëva. C'est bien précisé. Tu veux dire un gros membre? Oui, c'est ça, exactement. Émile Herzog est un... gros membre de l'équipe de cyclisme allemande. Il a reçu une belle leçon. Ah, ah bon? Ah, voulant... Ah, dit maman. Non. Voulant célébrer sa victoire au Trofeo Palma de Mallorca, en Espagne, si, il a levé le bras devant la ligne d'arrivée. Ouais. Vous vous rendez compte, le coureur cycliste? Ouais, ouais, ligne d'arrivée. Ouais. Non, longtemps. Non. Sauf qu'il restait 2 tours à parcourir sur environ 10 km de course. Oh merde. Il a un petit peu crié Victor trop tôt. On ne le répétera jamais assez. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon bah... il fait des tours, encore des tours et des tours et des la tours. La vie comme une fête foraine. Allez, pauvre garçon. Dans les infloppes, on continue avec cette deuxième info. En France, une femme aurait choisi de transporter le... J'ai pas relu ça. Hein, je m'en rends compte au moment où je vois ta tête que tu ne l'as pas relu. Je sais pas si je l'assume à la radio, ça, tu vois. Tu, allez, vas-y, maintenant j'ai envie de savoir. Allez, au pire, ce sera notre dernière. En France, une femme aurait choisi de transporter le corps de sa maman décédée. Oh non! À l'âge de 93 ans, en Normandie, jusqu'à Paris. Le but était d'éviter les frais de transport funéraires. Donc elle l'a transporté elle-même. Aïe. Eh oui. Enfin oui, enfin plutôt chez ta fille pour le coup. Maintenant que j'y pense, si la maman est décédée et si elle est flashée sur l'autoroute, est-ce qu'on pourrait parler d'un conducteur fantôme? Ah bah non, elle est passagère. Non, non, mais j'ai rien capté, c'est bon. Troisième et dernière info qui passe à la trappe. Il y a un flop d'ailleurs. Il flop. Tout flop. Les infos qui passent à la trappe, c'était la saison dernière. Voilà. Mathéus Facial. Facio. Facial. Facial. Maëva. Mathéus, comment? Mathéus Facial. Non, Mathéus Facio. Un étudiant brésilien âgé de 21 ans. Arrête de toucher les seins en faisant ça. Oh, je remonte mon haut parce que voilà. 21h19, il n'y a jamais eu une tension sexuelle dans cette émission aussi élevée. Oh là là. Oh. Mathéus, mon dieu. Mathéus Facio. Okay. Facio, on va dire Facio. Facio. Facio. Facio. Macho. Oh, je sais pas. Un étudiant brésilien âgé de 21 ans a fait une découverte inattendue. Ce qu'il avait initialement pris pour un simple mal de tête causé par des excès festifs s'est avéré être bien plus sérieux. 4 jours de souffrance. Après ça, le jeune homme a finalement décidé de consulter un médecin. Ce serait bien. Il lui a révélé qu'une balle de calibre 9 mm était logée dans son cerveau. Yes. De quoi? Comment? Oui, une balle de 9 mm est logée dans son cerveau. On est tous d'accord pour dire que... Parce que personnellement, une écharpe de bois dans le doigt, je la sens direct. Bah oui. Lui, il vit avec une balle dans la tête et tout va bien. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais comment tu te rends pas compte? Enfin, comment ça peut se passer en fait? Kix. À quel moment tu peux te prendre une balle dans la Kix. Tête? Oui. Mais c'est toi ça. Pourquoi? C'est toi qui as le cerveau grillé par une balle, non? Mais enfin, ça va, oui. Ah bah pardon, je croyais. Oh, ça va. Enfin, j'ai cru qu'enfin on avait une explication logique à tout ça. Désolé. Il est méchant. Heureusement qu'il y a des papiers ici, je vais pleurer. Ouais, enfin, pleure. Coucou mon kiki d'amour. Ah, c'est ça, maintenant c'est fini, oui. Oh, oh dis bonsoir. Bonsoir la maman kiki. Coucou. Au moins, elle est là pour me rassurer, voilà. Merci maman. Bon, embrasse-la, qu'elle parte. Mais je t'embrasse avant que tu partes. Bisous, c'est Marionnette. Bisous, je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime, bisous. Vous pouvez faire les réunions de famille après, s'il vous plaît? Oui, promis. Tous les mercredis. C'est avec Jadoul. Et il continue à se plaindre ici dans ce studio. Oui, on a faim, on n'a vraiment pas le bonheur. Il y a des fruits, t'es là, mais ils sont tout fondus. Tout est fondu. Comment, en fait, on vous met des bonbons en plus dans ce studio, mais vous n'êtes pas content. Comment on a le fruit, t'es là, un des bonbons les plus durs, peut être tout fondu. Maëva, merci. Bah. J'ai mangé un chocolat, il avait le goût de bonbon. Bon, vous avez fini de vous plaindre ici, moi j'en peux plus là. Pas oh. Content. Pas qu'est-ce qu'on content. Fait là, les amis, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi maintenant dans l'émission? Radio Falminioul. Radio Falminioul. Ouais. Ah, attends, je cherche. Falminioul, fa. Falminioul. Oui, je l'ai, c'est bon, on y va. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont rénové le studio. Hey, merde. Oh, tout va bien, René? Oui. Ah, mais qu'est-ce que tu fous avec ce marteau? Rien, j'apportais la touche finale avec des cadres de décoration. À part des trous dans le mur, je vois pas des cadres. Ah oui, ça je sais, mais je sais jamais s'il faut taper sur le cadre, le mur, le clou... bon, et tant pis. Mon Guy, c'est un grand jour. J'ai rénové le studio la semaine où t'étais en vacances. Waouh! Ah, j'ai l'impression de découvrir les transformations, René. Et je ne parle pas de ta nouvelle hanche. Oh! Tu vas être encore plus surpris qu'avec ma nouvelle hanche. Tada! Ah! Oh! Ah oui! Ah oui, c'est sympa, oui! Ouais. Ah oui, c'est très sympa, même! Ah! Quoi? T'es pas heureux? C'est les boîtes d'œufs pour l'isolation qui te choquent. Si, c'est chouette, mais seulement... Pourquoi avoir scié toutes les pattes de chaise du studio? Ah, parce qu'elles faisaient du bruit quand on les déplaçait. Maintenant, il n'y a plus de soucis. Regarde-moi ça. Hop. Et il y a même un bureau tout neuf. Je reconnais qu'il est sublime, hein. Mais dis-moi, t'as fait un prêt à la banque pour te l'offrir, ce beau mobilier? Non, alors, quand j'étais à la banque, ils m'ont dit que j'étais insolvable. Oui. Alors, en piquant le bureau du banquier, ils ont bien vu que j'étais solvable. Enfin, hop, sur le bras, voici. C'est pas raisonnable, ça, quand même. Eh, ce bouton, là, c'est quoi, là? Enfin, Guy, ça, c'est la base de la radio. L'enseigne on air, pour dire qu'on est en direct. D'accord, j'essaye. C'est pas très discret, ce bruit, hein? Hey, mais j'ai trouvé ces néons dans un congélateur au magasin. Ça n'avait rien à faire là, alors je les ai embarqués. J'ai fait cette enseigne. Et quoi? Alors ça, c'est un retour du dépanneur que tu as sanglé le micro comme un jambon au plafond? Ignore. C'est ma touch American, Guy. The microphone is yours. Ah, essaye-le, tu verras, ça fait pro. Bon. Jules. Ouais, ça va, ça va. Allez, c'est peut-être pas encore au point. Il faut que je tende les ressorts et tout. Compliqué. On ne peut pas te laisser une semaine, andouille. Ah, mais si, je voulais bien faire, d'accord. Moi, je fais de mon mieux, hein. C'est les United States, ici. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Dans un instant, Maëva, on va faire un rêve bleu, je pense, hein, c'est ça? Non. Non? Ah, j'ai grillé ta surprise? Bah, ouais, non. Oh, la joie! J'allais parler du nouveau tapis de Disney. Ah, bah, j'étais pas loin, ça ouais, va. Nouveau tapis de Disney. Un tapis? Bernard Tapie? Mais vous verrez bien. Mais enfin, on a le droit de teaser ta séquence. Ah, c'est le fallait nous le dire plus tôt ou Mais non. Bon, okay, non, le tapis holotile. Jean-Pierre Foucault sera là avec nous dans quelques instants aussi. Ah. Et on va avoir l'actu connectée d'Antoine. On va parler de quoi? On va parler de la future mise à jour d'iOS dans l'Union européenne. iOS. On verra ce que ça va donner d'ici quelques instants. Écoutez ma belle voix. Suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Wow. Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Bien sûr. Avec des belles séquences comme celle qu'on va découvrir maintenant, qui s'appelle la mise à jour, Maëva. Oui, je vais vous parler du nouveau tapis de Disney, que Disney a dévoilé. Alors non, c'est pas le tapis de Aladdin. Ni un tapis de radio. Non plus, ni Kix. J'ai mis un tapis. Ce rêve bleu. Ah. Mais non, mais c'est. C'est un nouveau monde en couleur. Je l'ai refait. Donc et non, ce n'est pas le tapis d'Aladin. Oh bah dis donc. Mais c'est le tapis qui s'appelle Holotil. Alors ils ont sorti une petite vidéo sur YouTube pour faire une démonstration. Et c'est un tapis en fait qui permet un tapis qui s'appelle modulaire pour avancer virtuellement sans changer de position. Donc je m'explique. Quand vous mettez un casque de réalité virtuelle. Oui, attends, je ferme les yeux. Fermez les yeux aussi. Enfin, sauf si vous roulez. Eh bien, vous êtes parfois plongé dans un monde. En fait, on revient un peu parler de cette chose dont on avait parlé énormément il y a un an et qui s'efface un peu, c'est le métaverse. Donc cette idée qu'il y a qu'on pourrait voir un univers avec un casque. Donc, par exemple, tu mets ton casque et tu te balades dans une ville entière. Le problème, c'est qu'avec ton casque, tu vas le faire quoi dans ta maison? À bout d'un moment, tu vas te taper dans les murs. Tu vas te prendre des murs. Et donc, du coup, le tapis holotile que dévoile Disney, ben, ça permettrait de pallier à ça en prenant les directions en fonction, enfin, avec ton casque. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas avancer, tu peux te balader à l'infini, faire des kilomètres dans ton monde virtuel sans te taper les murs de ta maison ou quoi que ce soit, sans devoir avoir un espace libre immense. Parce que ce serait en fonction du tapis que tu marcherais dans toutes les directions et tu aurais vraiment l'impression d'avoir cette sensation pleine, d'être vraiment dans un autre univers. Donc là, si je continue à avancer, en théorie, je ne me prends pas de mur. Non, parce qu'on n'a pas le budget pour commander une pizza, donc okay. Je ne pense pas qu'on ait un budget pour le nouveau tapis de Disney. Jadoul qui fait un magnifique geste du doigt. Ça va, vous balancez mon doigt d'honneur. Son plus grand doigt. C'est quoi cette musique, Jadoul? D'habitude, c'est une musique un peu plus peps, parce que j'explique quelque chose. Mais là, on n'est pas dans le métaverse. Non. Là, nous sommes en hypnose. Parce que moi, là, si on est dans le métaverse, je passe dans une autre dimension, moi, Maëva. Ok. Pour moi, le métaverse, c'est le futur. Le métaverse, tu sais quoi? Quoi? On y pénètre maintenant. Oh. Bonjour. Je suis rentrée dans le métaverse. Coucou, petit humanoïde, à la poitrine saillante. Oui, bonjour. Tu as des beaux cheveux. Merci. Je peux en manger un? Non, ça se mange pas les cheveux. Hein. Un seul? Non. Tu en as beaucoup. Oui, mais non. Tu en as peut-être un de trop? Non, non, je les utilise tous. Donne-moi cheveux. Ok, on va y aller, nous. Hein. Oh. Merci, au revoir. Cheveux de Maëva. À bientôt. Bon. Reviens. Bye. Il faut enlever les lunettes là. Hein. Ouais. Voilà. Pff, mais c'était pas. Franchement, ouais, ça donne pas envie. Merci, hein. Wally. Mais oui, Wally de chez Disney, justement. Ah oui. Ah purée. Oh. Et la boucle est bouclée. C'est fini. C'est terminé. Oh, c'est bon quand c'est terminé. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis. On va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Faut que je vous confesse un truc. Vas-y, confesse-toi. Et je pense que... Sait-on jamais, imaginez qu'on n'est pas là la semaine prochaine, il faut se soulager de toutes les choses qu'on a à dire. J'ai fait un cauchemar. Ah oui. Il faut que je vous en parle. Vas-y, dis-nous tout. On est prêts. J'ai peur. Vraiment? Alors, vous savez la voix qu'on vient d'entendre? Je vais essayer de vous en trouver un extrait là pour que tout le monde l'ait en tête. Attendez. Hop là. Clic, clic, clic, clic. Je recherche. La voix des jingles ou. Ouais. Okay. La voix des fausses pubs. Ah, des fausses pubs, ok. Ah, oui. Ce monsieur qui fait les fausses pubs, c'est un vrai monsieur d'une vraie radio qui existe. Hein, ok. Qu'on découpe, qu'on remonte derrière, c'est du montage, c'est du trucage. Hein. Ok. Vous appréciez les spécialités italiennes aux... Voilà, ce monsieur-là. Oui. Voilà. Mmh. Aïe. J'ai fait un cauchemar avec lui. Ouais. En fait, j'ai été visiter sa radio. Et il devait me montrer la console de mixage. Oui. Et il me dit, je vais chercher à la cuisine de quoi démarrer la console de radio. Ok. Et voilà, il va à la cuisine. Et puis il revient. Mais je fais pas attention. Et dans mon rêve, je suis face à la console. Donc il est derrière moi, je vois pas. Et il y a un canapé, une espèce de canapé-lit. Il se met dans le canapé. Tu veux pas qu'on s'arrête maintenant? Ouais. T'es sous la couverture. Oh là là là là. Entièrement nu. Oui, bah ça va. On veut pas la suite. Mais c'est quoi ces rêves, Jadoul là? Et il m'a dit, j'ai caché la clé de la console quelque part. Oh non, mais quelle horreur! Et ce monsieur de 80 balais était nu. Oh. Ouais, c'est rêve. Bon, allez, on passe. On veut rien savoir de tes nuits, de tes rêves. Parlons-en. Vous appréciez les spécialités italiennes? Non, non, non. Vous savez qu'à cause de ça, durant une semaine, je ne pouvais plus l'entendre. J'étais sûr, j'avais l'impression de m'être fait violer. Ah, mais en fait, que j'ai rien du tout. C'est juste un cauchemar. Tu ne savais plus aller devant une console. Tu l'as déjà rencontré en vrai? Mais non. Mais c'est fou. C'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Mais alors, j'imaginais avec sa voix. Mais dis donc, la clé de la console est bien cachée au fond de ma culotte. C'était vraiment dégueulasse. Comme quoi, il faut pas se laisser bouffer par les séquences. Parce que là, mon cerveau était très atteint. J'aurais peut-être pas dû raconter cette anecdote à la radio, mais maintenant que je l'ai fait. Peut-être pas, non. Je me sens mieux. Libéré. Allez, solidarité humaine. Libéré. Je vous remercie. Libéré. Merci, voilà. C'est gentil. Allez, chacun son tour. Maintenant, Antoine. Bonsoir, petits cheveux de radio. Chevelus. Et oui, chevelus de radio. Toujours avec cette équipe de bout en train, à ce que je vois. Merci. Oui. Oui. Je rappelle les règles de ce jeu. vous n'allez pas faire équipe puisque l'idée est de se rapprocher le plus possible de Maëva. Exacte réponse à la question. Ça, ce sera hors antenne, mon cher Jadoul. Non, c'était. La réponse, vous l'aurez compris, sera un chiffre. Ah. Voici la question qui n'ira toujours pas au bénéfice des pièces jaunes car Bernadette, on le rappelle, est toujours aussi blindée que la semaine dernière et qu'on a pas un rond. La question d'actualité. L'opérateur français Free a présenté hier la première box opérateur intégrant le Wi-Fi 7. Quelle est la vitesse théorique maximale du Wi-Fi 7? Le gigabit est arrivé à Jean-Pierre Foucault. Hein. Jadoul, oui. Votre réponse, je vous en prie. La vitesse? On n'a pas trois propositions. Ah! 46 gigabits seconde. Ok. 108. Ou bien 22. 22. C'est votre dernier mot? Oui. Maëva, votre réponse, je vous prie. Je sais même pas c'est quoi des gigabits. Oh. C'est la vitesse de la connexion internet. On comprend rien. Internet. On comprend rien. Je vais taper une réponse. 46. Et c'est mieux quand c'est vers le haut ou vers le bas les chiffres parce que. Oui, c'est une bonne question ça, Jean-Pierre. Avec des progrès technologiques, c'est évidemment toujours mieux quand c'est vers le haut. Vous ferez l'interprétation que vous ferez de cette phrase après. Alors. Merci Jean-Pierre Pernaud. Je dirais 46. Oui, c'est ma réponse. Ah, pardon. Eh bien, la réponse, c'était 46 gigabits. Yes. Ouais. Tu l'as dans le cul, mon vieux. Oh, pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Je vous prie de garder votre langage. Excusez-moi. Merci Jean-Pierre. Et Antoine, une explication technique peut-être derrière ça quand même? Oui, il y a une petite explication technique avec le Wi-Fi 7, c'est que vous savez peut-être avec le Wi-Fi, il y a plusieurs bandes de fréquences sur lesquelles on peut se connecter. Le Wi-Fi 7 va permettre d'agréger toutes ces bandes de fréquences en une seule fois. D'accord. Donc ça fait plus de bandes passantes pour faire passer plus de débit. Plus de bandes. Voilà. La musique nous prend parfois. C'était donc qui veut digérer l'info. À très bientôt pour une nouvelle partie. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Bien. On se retrouve bientôt. Avec plaisir. Heureusement que vous nous avez dit au revoir. L'actu connecté. Et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. Oui, ben avec Antoine surtout, parce que là, c'est donc deux fois d'affilée, ça y est, monsieur prend l'antenne. Ben oui, deux fois de... Il s'étale. deux fois d'affilée, oui, pardon, c'est Jean-Pierre. Ben, eh ben, félicitations, on va chercher ton bed. Hein. Dès que je l'ai trouvé, je te fais signe. Internet, j'ai ton bed. Joli ce bed. Oui, il s'appelle Télétexte. Qui est toujours vivant, hein. Oui. Dans 10 jours, 10, 12 jours, c'est fini. Oh là là. Profitez-en. Mais dis donc, on aurait presque pu faire un breaking news sur cette info, mais heureusement, on ne va pas le faire. Allez, en fanfare, est-ce qu'on peut démarrer par la news tech de la semaine? 1, 2. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde connecté d'Antoine Libot? Il se passe qu'il va y avoir une grosse mise à jour très intéressante du côté des iPhones. Elle est prévue pour le mois prochain et elle vise principalement les utilisateurs européens. C'est iOS 17.4. Alors, petit point législatif, Apple doit se conformer à un règlement européen, le DMA, c'est le règlement sur les marchés numériques, et ce pour éviter tout ce qui est abus de position dominante, environnement trop fermé, et on sait bien qu'Apple aime bien les environnements fermés et contrôler tout de bout en bout sur ses appareils. Alors parmi ces changements, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire bientôt sur son iPhone? On va pouvoir télécharger des magasins d'app alternatifs. Donc, par exemple, Google pourrait très bien sortir le Play Store pour Apple, pour iPhone, dans un gros mois. Et oui, ou Amazon, puisque Amazon a aussi un marketplace. Ou par exemple, Epic. Epic, est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis Fortnite? Ah, bien Fortnite, oui. Le jeu Fortnite avait été sorti de l'App Store il y a quelques mois, d'ici quelques années, parce qu'il y avait une petite bisbouille avec Apple. Et ben, Epic pourrait ressortir un Epic Store et ainsi ressortir Fortnite. Je crois que c'est d'ailleurs même dans les cartons, incessamment sous peu, Fortnite va ressortir sur iPhone. Alors, comme sur Windows, quand vous allez lancer Safari, donc Safari c'est le navigateur web de l'iPhone, et ben, iOS va vous dire, est-ce que vous voulez vraiment utiliser Safari ou est-ce que vous voulez utiliser Chrome, Apple, Chrome, ou Firefox, ou Brave, ou Edge, etc. Donc vous allez choisir votre navigateur Internet, et chaque navigateur Internet pourra venir avec son moteur de rendu, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais pour qu'un navigateur Internet fonctionne, il y a ce qui s'appelle un moteur de rendu, qui rend la page Internet comme elle a été codée. Extrêmement suspect. Des témoins qui ont vu la voiture m'ont dit qu'elle n'était même pas écrasée. Un rendu, deux rendus, trois rendus. Cette chronique est sponsorisée par Strepsil, si vous ne l'avez pas encore compris, et par Eurofar, qui n'existe plus, Eurofar. Donc, oh là là, c'est une pluie d'infos. Ça vient de loin. Chrome et Firefox vont pouvoir proposer leur navigateur complet sur iOS, parce que jusqu'à présent, Chrome et Firefox reposaient sur le même système que Safari, le même moteur de rendu. Voilà, comme ça on en a fini avec les rendus. Apple va ouvrir son système de paiement sans contexte, et la fin du monopole d'Apple Pay sur l'iPhone. Donc par exemple, on pourrait imaginer que Payconiq Bank Contact, devienne par exemple sur les iPhones belges le système de paiement par défaut. Voilà. Ça va être le bordel. J'ai un coup de gueule à passer. Non, vas-y. Ça y est. Allez, un petit coup de gueule. C'est ton moment. Fait, là. Ça fait pas longtemps que t'as passé un coup de gueule. Quoi ? Et alors, j'ai pas le droit ? Ok, vas-y. Il dit quoi le jingle au début ? Merde. Allez. Non, mais j'ai un petit coup de gueule à passer parce que c'est vrai que j'ai passé au début de la semaine 40 minutes au service client de Payconiq juste pour qu'ils me prennent pour un teubé. Ça veut dire que je leur ai dit, ma carte, je n'arrive plus à l'ajouter. Ah oui, monsieur, mais c'est vrai compliqué d'ajouter une carte. Attendez, je vais faire une petite opération. Est-ce que vous pouvez réessayer ? Oui, je réessaye, mais si je vous appelle, c'est que j'ai réessayé 10 fois, mais je le fais devant vous. Allez, voilà, j'essaie. T'avais voilà. Le petit boîtier ? Oui. Moi aussi, je te prends un peu pour un teubé, là. Et ça ne fonctionne pas de nouveau. Ah oui, monsieur, c'est normal, je n'ai rien fait. Mais alors pourquoi est-ce que vous m'avez dit que j'ai fait quelque chose, que vous avez fait quelque chose et que ça fonctionne pas, et c'est logique que ça fonctionne pas si vous avez rien foutu depuis que je vous appelle. Oui, mais c'est pour être sûr que vous faites bien la procédure. C'est normal que je vous fasse croire que j'ai fait quelque chose. Bon, enfin. À ta décharge, moi j'ai désinstallé Payconiq parce que ça fonctionne très mal. Ouais. Et de toute façon, dans les apps des banques, on a le système de QR code à scanner. Bah ça, toutes les apps l'intègrent, voilà. Et donc ça suffit amplement. Pas chez tout le monde, il y a des malheureux. Oui, c'est vrai. Bah, par exemple, j'ai pas, chez AXA, j'ai pas. Ah, t'as pas ça chez AXA ? Non. Mais viens chez ING, on est bien mis. Mais viens à la BNP, on est bien. 1, 2, et. Ouais. C'est tout. Petite pour terminer la chronique, parce qu'il y avait deux petites infos. Oh, pardon, vas-y. Fini. Parce qu'on parlait de sous, justement, et les développeurs d'app voient leur commission qu'ils doivent payer à Apple rabotée. Ils devaient payer entre 15 et 30%. Maintenant, c'est entre 10 et 17% seulement, entre guillemets. Mais, okay. mais Apple revient par derrière, entre guillemets. Aïe. Voilà, puisque. Ah, mais qui est-ce ? Pour les applications à plus d'un million de téléchargements, Apple maintenant se prend 50 centimes par téléchargement de l'application et par an. C'est énorme. Donc évidemment, certains ne sont pas tout à fait contents de cette décision. Pour terminer, ça concerne donc iOS 17.4, les utilisateurs exclusivement dans l'Union Européenne. Donc si vous nous écoutez depuis les United States, ça ne vous concerne pas. Et ça ne concerne pas non plus les iPads. Et oui, les iPads tournent pratiquement sur le même système. Et pourtant, les iPads n'auront pas toutes ces nouveautés, plus que probablement, car l'iPad n'est pas aussi populaire que l'iPhone. Voilà. Ok. Et tac. Okay. Antoine, donc, je peux mettre ton cœur à l'aise. Personne ne nous écoute des États-Unis. Ah. Voilà. Il n'y a pas le boss de KIF qui nous écoutait depuis le. Ah oui, si, c'est vrai. Si, mais là, il tire la gueule, il est revenu en Belgique. Hein. Là, c'est fini l'American Dream. D'ailleurs, on avait parlé d'un Apple Vision Pro, je veux bien le mien, hein, puisqu'on avait commandé un Apple Vision Pro pour. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est pour, aussi, l'émission. Ça. Oui, hein, pour l'émission. Oui, je pense que notre salaire est passé dans son Apple Vision Pro. Allez. Bon, finalement, Apple va récupérer sa commission. Apple va récupérer sa commission d'une façon ou d'une autre grâce à ses fameuses 50 centimes, mais Chrome, enfin Firefox, a déjà dit qu'ils n'étaient pas contents. Évidemment, de ça, on peut s'imaginer, puisque c'est une application qui reste quand même très populaire, c'est un navigateur web. À voir si ça évolue. Ouais. La théorie d'Apple reste logique. Si je te donne 500 balles, est-ce que je peux t'enculer ? Allez, c'est bon. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout, en podcast, tous les mercredis. Je pense qu'on se fait aspirer dans un trou noir. The Music Machine. The Music Machine. Attendez, elle a éclaté, je crois. Non, je suis là. Ouh. Ah, ça va. Pas de claquage, tout va bien. Non, ça va. Alors, c'est parfait. Je suis maître le feu. Notre huissier de justice s'appelle Maître le Feu. Il arbitre cette émission depuis le début. Et on peut faire un petit récap des points depuis le début de l'émission. Ouais. Moi, ça fait 2 points pour Jadoul, 1 point pour Antoine, 5 points pour Maëva et 4 points pour Kinx. Eh ben c'est chouette. On va passer une bonne soirée. Dans un instant, je vous propose qu'on fasse peut-être, si on a le temps, le perdu sur l'internet. Mais là, il faut qu'on démarre. Les pires reprises de TikTok. Tout vient de cette semaine. Ok. Vous devez retrouver titres artistes originaux des chansons que ces gens ont massacrées. On met de la bonne humeur. Allez, mettre le feu, s'il vous plaît. On met un peu de joie là. Hein, merci. Oh, je suis à fond. Ah ben c'est chouette. Heureusement que les TikTokers, eux, sont plus à fond que vous. Ne me quitte pas. Jacques Brel ne me quitte pas. Je suis désolé, Maëva. Là, là, là, là. Jacques Brel a dit en premier. Ne me quitte pas, moi. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, roi, loi, où tu seras mienne, reine. Oui, bah c'est bon, merci. T'as fini, oui. Tu m'as tout fait gâcher. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Mais ça va, elle a un petit grain de voix. Non, on dirait une alarme. Bah, elle s'appelle Paulette, ton alarme. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer. Allez, c'est bon, ça me fout le cafard, ça me fout le cafard. La solution anti-cafard, c'est mettre le feu. Je suis maître le feu. Le récap des points rapidement. J'aimais bien la digga-digga-digga-ding. Bah, Maëva vient juste de gagner un point. Donc elle insiste. Merci. Allez, on continue le deuxième manche. Je n'apprécie pas le faire. Zao, c'est chelou. Merci. Chelou. Et la taper, c'est chelou. On le chatouille, hein. Quand je t'affauche, tu dis. Oh non. Waouh. Qu'est-ce qu'ils disent, monsieur? Allez, ah, il nous fait un petit bisou quand même. Ah. On a le droit à un petit bisou, bah oui. C'est chelou. Oh, il a pas dit qu'il cise. Non, non. Mais par contre, il a dû se ressaisir à la fin. Ouais. Non, je pense qu'il a fait. Oui. Ah, il a soufflé son bisou. Oui. Ça doit être ça. Troisième manche. Ce soir, j'ai pas envie. Patrick Bruel, casser la voix. Mais Maëva, ta gueule. Oh là là, c'est fou. Laisse les gens jouer, merde. Hein. Oh. Merde, Maëva. Oh. C'est la voix. Il n'y a plus de jeu, hein, vraiment là. C'est la voix. Je vais pas faire semblant de perdre non plus. Non, bah non, t'as raison, oui, bah t'as les bonnes réponses, c'est bien. C'est la voix. C'est la voix. Ouais, il est tout mou, allez, réveille-toi, Johan. Elle est fine, la nuit, qu'on boit jamais le jour, et qu'on couche entre son lit, on en peut, on de la nuit, et le sourire honteux qu'on oublie, massacre. Oh, pardon. On continue avec l'avant-dernière manche. C'est un habitué. On peut jouer. Daddy Miles. Oui, Antoine, Kix, vous pouvez pas. Allez, on commence alors. Faut pas être mauvais joueur. Non, moi je laisse un petit peu d'avance. Exclusivement avec Maëva, je le rappelle. Hein. Allez, on y va, avant-dernière manche. Jouez avec nous dans la voiture, ça peut être marrant. Tu me fais tourner la tête. Étienne Daho. Mon manège à moi, c'est toi. Manège à moi. Je Bonne réponse. Fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Attendez, on a un gros problème technique. Je suis maître la fin. On a perdu maître le feu, je crois, définitivement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez gommé tout votre tableau? Mais écoutez, je me suis trompé. Je venais d'effacer les points de Jadoul. Oh bah alors, j'avais combien? On s'en souvient ou pas? T'avais deux points. Deux, okay. J'ai remis ça comme il fallait. Bah mettez trois alors. Non. Oh. Bon, on en est où? Un petit récap des points. Sauf si vous me laissez dormir ici. Non, un récap des points. Allez, go. Bon, alors ça fait 2 points pour Jadoul, 2 points pour Antoine, 8 points pour Maëva. Qu'est-ce que t'es fou? Bah, et 4 points pour Kix. Oh bah c'est pas mal, 4 points pour Kix quand même. On en était à Daddy Miles, mon manège à moi. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Ah, il se tu me tiens dans tes bras. Hey, je ferai le tour du monde. Oh, ralenti, ralenti. Et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en, oui, de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Je viens de comprendre les paroles de la chanson. C'est vrai? Oui, mais parce que c'est un gag récurrent, les titres d'Étienne Daho. Enfin bon, bref. Ouais, bon. Ouais. Allez. On se fait la finale? La finale! Et t'y repasses tête, Maëva, t'es en 8 points devant tout le monde, ça va. Oui, alors? Ah, mais vous voulez 10. Après le camp. Si, il est. Les 10 commandements, mais celle de Pascal Obispo, chantée par. Je sais plus. Fiori? Oui, non. Non. Daniel Lévy. Et attends, le titre voilà. C'est. Bon, t'as quand même dit la bonne artiste. Mais j'ai dit tout le monde. Hein. J'ai dit Lady Commandement écrit par Pascal Obispo, chanté juste, par Daniel Lévy. Je savais juste qu'il était décédé récemment. Enfin, oui. Récemment. Oh là là. Et c'est quoi le titre? Attends. Je sais plus. Tu l'as pas? L'envie d'aimer. Oui. Je suis maître le feu. Le récap final des points. Maître le feu, s'il vous plaît. 2 points pour Jadoul, 2 points pour Antoine, 9 points pour Maëva et 4 points pour Kix. Vous auriez pu dire Kix avant Maëva. Oui, j'aurais pu. Pour annoncer maintenant que la gagnante est. Maëva, avec 9 points. Bravo Maëva. Tu peux le dire avec un peu moins de somme. Bravo Maëva. Super, merci. Ouais. Merci de faire partie de l'équipe et de nous écraser. Bah, ah, bon. Les gars, je vais pas faire semblant. Non, ça va, t'as raison. T'as raison ouais. Et t'as toi, raison. Quand tu nous écrases au FaceTime et que t'es tout content, là, à la fin, on fait pas la gueule. Je suis le patron. J'ai le droit. J'ai tous les droits, moi, vous savez. Ouais. Pas juste. Ah, bon, ça vous tente qu'on fasse rapidos le perdu sur internet? Allez. Allez. Allez, let's go. Avec. Oui, bah ça va, je cherche mes beds. 2 minutes. Tu voilà. Cherches tes lits? Je cherche mes lits, oui. Mais c'est des termes très radiophoniques, hein, tout ça. Bon, pour se perdre sur internet, 3 possibilités. Ah. Oh là là, je sais encore rien lire de ce qui est écrit sur ma feuille. Allez. Allez. Allez, dis. Seb tente de faire un hamburger. Hamburger. Hamburger. Mamie Dupin fait un gâteau. Ou alors Rose saute dans un champ d'ortie. Oh, ben mais qu'est-ce qu'on a encore été fumé là? Bon, on s'est perdu sur internet quelque part. C'est quel chemin qui est le plus possible? Hamburger. Hamburger. Hamburger. Mamie de pain. Vous avez juste faim. Ouais, mie de pain, toi? Ouais, j'ai mie de pain, vous êtes sur mie de pain. Elle est majoritairement mie de pain. Vous êtes perdu sur internet. La bonne réponse était. Seb tente de faire un hamburger. Et bonjour, ou plutôt bonsoir, on est parti pour faire des hamburgers. Ah ouais, des hamburgers. En théorie, ça devrait pas être très compliqué à réaliser. Donc on va commencer par la première étape. Pour moi, je pense qu'il faut faire les cuire sur les hamburgers. Ouais, okay. Okay. C'est un beau début. Alors, très bien, ensuite. Donc on va commencer. Vous mettez de l'huile dans le poêle. Où ça? Le poêle. Oula. Non, attendez, il faut que je réécoute, j'ai pas tout compris là. Vous mettez de l'huile dans le poêle. On allume le gaz. Oulou, c'est du gaz, on joue pas oula, avec. Y a du feu aussi. Quoi d'autre? On fait cuire le pain. Allez, on va faire cuire le pain. Ah bah. Pain. Mais quel on va faire? Bon, c'est vous qui allez décider. Ça, ça a pas l'air très bien rodé, cette langue, recette. Et triple langue française, c'est vous qui allez. Kix, tu t'es lancé sur YouTube? Oui. Oh, ouais, je l'ai pas dit, mais j'essaie de gagner un peu de sous. Oui, c'est vous qui allez décider. Hein, voilà. De mieux en mieux. Bon, le temps que le pain cuit, j'imagine qu'on passe à autre chose. On va couper les tomates en rondelles. Je vais aussi mettre le bacon. Parce que moi, je vais faire un genre de steakhouse. Comme chez Burger King. Ouh, un steakhouse. Un steakhouse. Ah, ambitieux. On est très probablement loin du Burger King, je pense. Bah, attendez, on a oublié un truc, là. Quoi? Le pain, il commence pas à cramer, là. Oh. Ouh. Vous avez vu ce qu'elle a fait la machine? Un éclair. Super. Comment? Let's go. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle raconte. Non, ben la machine a fait un éclair, très bien. Si tu veux. Au chocolat? C'est le grippin en fait, c'est le grippin qui a sauté. Le clair au chocolat. Chocolat. Ah. Tiens, il n'a pas parlé de fromage. Ça pourrait pas être utile, un fromage? Il n'y a pas de fromage pour burger. Par contre. Par contre. Il y a du. Suspense. Du merwal. Aïe. Oh, l'odeur. Et j'ai le nord, hein. Ah ouais, c'est le nord, là. Là, c'est vraiment le nord. Alors, on veut savoir, dégustation, est-ce que c'est bon au moins? Franchement, faites-le chez vous. Avec la sauce barbecue et tout. Tuerie. Bah oui, en même temps, c'est lui qui l'a fait, donc il va pas dire que c'est dégueulasse. C'est vrai. Une tuerie, mais pour l'estomac, je pense. Ah bah là, oui. Marwel. Marwel. Et on met où le Marwel? Donc, on va commencer par la première étape. Pour moi, je pense qu'il faut faire les cuirassés. Vous mettez de l'huile dans le poêle. Dans le poêle. Dans le poêle. Le Marwel dans le poêle. Vous mettez de l'huile dans le poêle. Bon, il est tellement fier de son plat. Il a raison. Oui. Il propose à sa grand-mère de manger l'un de ses burgers. Attends, ton steak, il est en train de... Non, je n'en veux pas. T'es sûr? Non. Bon, je te le fais, je te mets... Manger, je n'en veux pas. Oui. Écoute, je te les bleus. Je te le fais. Attends, je te le fais et je te l'emballe sous cellophane et je le mets au frigo. Oui. Écoute. Il a tapé ou quoi? Ah, bon, bah... Mamie fait de la résistance. Mamie, elle n'en veut pas, d'accord. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et pourquoi lui, il abuse, mange ton burger? Oh, bah, donc, décidément, c'est pas très sympa. Hein. On va pas faire de cuisine avec eux, décidément. J'ai compris, voilà, l'ambiance n'est pas là pour ça. Merci beaucoup. Bande de Dieu, bande de connards. Ah, c'est déjà la fin de l'émission. Tu vas porter plainte? Oui, je vais porter plainte. Oh oui. On y va. On souhaite une bonne soirée. D'ici là, en podcast, partout. Oui. Bonne soirée. Bonne suite de semaine. Ciao. Je vais porter plainte. Moi aussi, j'ai porté plainte. On va chercher ma papille tout de suite. Et franchement. Qui est dans la cervelle? Qui veut gagner une plainte? Ouais, bande de connards, t'es. Jadoul revient mercredi prochain.